Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est encore ensemble ce soir dans une émission format différé. Et beaucoup moins de nouveautés que la semaine dernière, on en affiche un peu plus de 10 au compteur. Seulement 3 pour ce soir, mais toujours des nouveautés bien qualitatives, riches et variées. Et avant de passer aux nouveautés, on attaque tout de suite l'émission musicalement. Doublette pour ce soir, une doublette venue des États-Unis. Corpse Grinder tout d'abord, et oui, le Corpse Grinder de Cannibal Corpse qui nous sort un putain de premier album sous son propre nom, ce roman intitulé Corpse Grinder, un album à la croisée entre le death metal que l'on connaît bien au sein de Cannibal et le hardcore typé Hatebreed. Pour la grande ligne en fait, et puis des petits relents de black suédois dans les guitares. Donc voilà, Corpse Grinder, on a fait un focus la semaine dernière pour parler un peu plus de cet album, et en doublette avec Corpse Grinder, une autre formation américaine, Midnight, le groupe de black and roll, punk, speed, heavy speed. Let's Be Witchery, c'est le nom de ce nouvel effort studio, le quatrième, une sortie Metal Blade. Master of the Longest Night, signé Corpse Grinder. Devil Virgin, signé Midnight. Pour ouvrir l'émission Hellbanger de ce soir, c'est parti et bienvenue. We'll be right back. La deuxième doublette de l'émission de ce soir est une nouvelle fois composée par un groupe américain, Crowbar, le groupe de Sludge, qui sort son nouvel effort studio Zero and Below. La recette de la musique de Crowbar n'évolue pas au long de ce 12e album. Ça reste cependant très qualitatif, c'est gras, c'est lourd, c'est pas chiant. C'est paradoxalement très mélodique, il y a des passages, voire des morceaux entiers où ça rock vraiment, avec des tempos vachement plus élevés que ce qu'on peut entendre d'habitude dans le sludge. Donc voilà, toujours très quali les sorties studio de Crowbar. Et en doublette avec eux, on retrouve Pure Wrath, ce groupe, ce one-man band de black metal venu d'Indonésie, dont les sonorités sont assez proches de la scène d'Europe de l'Est, la scène russe, la scène slave. Voilà, c'est black, c'est épique, c'est très qualitatif également. Hymn to the Woeful Earth, c'est une sortie d'ailleurs sur le label français DB Murmorty Production. On s'écoutera le titre Those Who Stand Still. Et juste avant ça, Crowbar, The Fear That's Behind You, c'est parti, Crowbar, Pure Wrath. Doublette suivante, grand écart dans le style, et là on est sur une doublette européenne, une doublette scandinave même, puisque nous avons tout d'abord le suédois de Cult of Luna, le groupe de post-metal qui nous sort son nouvel effort studio The Long Growth North. Pareil, on en a déjà longuement parlé dans le cours des émissions précédentes de ce nouvel effort studio de Cult of Luna. Toujours très qualitatif, toujours chargé à la fois de surprises et à la fois pas de surprise dans la qualité. On s'écoutera le morceau Cold Burn et ensuite les Norvégiens de Death Hammer. Là, c'est une excellente découverte pour ma part. L'album s'appelle Electric Warfare. Death Hammer, on est sur du Heavy Speed, Trash Black, mais première vague à la sauce Venom. Et autres petites joyeusetés du genre, perso j'adore, il y a des putains de bons Heavy Scream par-dessus. Source for Ritual, c'est le titre de Death Hammer qu'on s'écoutera juste après Cult of Luna, c'est parti. We'll be right back. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, depuis 21h et jusqu'à 23h. La doublette suivante est assez particulière, puisque il y a deux groupes, cinq musiciennes, pas un seul musicien, et du coup, tout simplement parce que une de ces formations est un one-woman band. Tout d'abord, nous avons Convent, un groupe qui fait de plus en plus parler de lui, une formation danoise de Death Doom qui a vu le jour en 2015, une sortie Napalm Records sur ce deuxième effort studio. C'est gras, c'est lourd, c'est sombre, c'est pesant. Personnellement, je trouve ça un peu linéaire, mais alors putain, la vocaliste, elle a vraiment une voix d'outre-tombe. C'est une ambiance vraiment extra dans Convent. Et en doublette avec Convent, on retrouve Sidus Atrum, un one-woman band donc de black metal qui nous vient d'Ukraine. Également le second album studio, 6 titres pour 40 minutes de musique. On est sur un croisement entre le black assez épique, typique de l'Europe de l'Est, et de sonorités un petit peu plus modernes à la sauce Mercure. C'est globalement très très sombre et mélancolique, et un panel vocal d'une grande richesse avec du scream, du chant clair, et pareil des growls bien gutturaux. Voilà donc pour Sidus Atrum. On s'en écoutera le titre Rain Brings Your Voice, extrait de ce second effort studio Spiral Half-Life, et juste avant Convent Cold Dawn the Sun, on s'écoutera le titre Sand is King. C'est parti. There will be no peace. We'll be right back. Doublette suivante, eh bien, c'est l'occasion de s'écouter la première nouveauté de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit du groupe Neat ou Night, les deux prononciations semble-t-il sont acceptées. Une jeune formation venue de Californie qui nous propose un Blackened Heavy Metal. Et oui, le crossover a encore de belles années devant lui. Une sortie Season of Mist pour ce second effort studio. Musicalement, qu'est-ce que ça donne du Blackening Heavy? Eh ben, tout simplement, on est sur une grosse base Heavy Trad des années 80, un tantinet revival. Et vocalement, on est plus sur quelque chose de speed trash, black metal. Faire voisiner ça avec un groupe tel que Tribulation sans pour autant le côté gothicisant de la formation scandinave. Voilà, c'est vraiment très heavy metal, voire même hard rock en fait, tellement ça sonne vieux dans les parties musicales sans pour autant être chiant. Comment dire, c'est pas parce que c'est vieux que c'est chiant, mais voilà, sans sonner trop redondant, dépoussiéré salement à la naphtaline. Et après Night, on s'écoutera Adversary, le groupe hollandais de Hardcore Death, Negative Hardcore, None Will Warn. C'est le nom de ce nouvel EP studio. On s'écoutera le titre Killing Fields. Et juste avant ça, donc Night avec le titre Archeron, venu de Californie. C'est parti. Yeah. identity of true salvation. We live in torment. On va attaquer tout de suite dans l'émission la spéciale française avec des formations uniquement venues de l'Hexagone pour les minutes à venir. On entre dans cette spé française de la plus crasse des manières avec la deuxième nouveauté de l'émission d'aujourd'hui, le black metal, le caverneux black metal de El Militia, hein, c'est un peu le necro-ratch du black metal. Season of Mist, c'est toujours l'écurie de la formation sulfureuse. À noter que l'album Jacob's Ladder était sorti en 2012, 10 ans donc sans prestation studio longue durée pour Emlisha, qui sort là son quatrième effort studio. Au niveau du line-up, on note le départ de Menak, bien sûr vocaliste historique de Mutilation, et en 2013, donc un an après la sortie de l'album Jacob's Ladder, il a été remplacé par un vocaliste néerlandais qui est accessoirement passé par Bethlehem. Voilà, El Militia et son necro black metal, le nouvel effort studio s'intitule Hollow Void, et en doublette, la formation sudiste Deathbell que l'on verra à Tours le 6 avril en compagnie de Dolch. Une soirée d'ailleurs au passage organisée par Catharsis Asso le 6 avril, le mercredi 6 avril au Red Club à Rochecorbon. Deathbell, Nocturnal Crossing, et on s'écoute le titre Silent She Comes. El Militia, juste avant ça, avec le titre Genesis Undone, c'est parti.